Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième session du panel Art et politique de l'écoute, organisée par la commission audiovisuelle de la Société suisse d'ethnologie. Donc on va continuer cette rencontre. Donc l'idée c'est vraiment d'être un laboratoire et de faire dialoguer les anthropologues qui s'intéressent au son et les artistes. Le format donc est toujours le même, 10 minutes de présentation, suivie d'une discussion d'environ 20 minutes. Donc après avoir vu la voix dans tous ses états ce matin, on va continuer sur la problématique du son, on va dire le son plutôt de l'environnement et des sons plus inaudibles à premier abord. Voilà, plus ou moins. Donc la modération est faite par Daniel Chemachko, ingénieur du son, curateur du cinéma Spoutnik et du LUF anciennement, performeur pluridisciplinaire, ingénieur qui a travaillé au CERN, qui a fait toute une série d'enregistrements sur machines de tout ce grand centre souterrain et qui pratique aussi une musique expérimentale électronique. Voilà. Merci encore. Mais on va partir. On va tout de suite commencer avec ces panels. Ce qui m'a beaucoup plu dans la première partie du panel de ce matin, c'était ce côté justement pluridisciplinaire où plusieurs dimensions s'entrechoquaient pour trouver finalement plein de points communs en fait, suivant les optiques. Et donc on part aussi justement dans cette même approche pour ce deuxième panel où il y aura différentes approches, différentes visions. On va commencer avec Benoît Moreau, qui est compositeur, artiste, musicien, qui a étudié au Conservatoire de Genève, et qui va nous introduire justement ce qu'il entend par les topophoniques, avec une présentation. Merci. Je me permets de parler comme ça, mais si jamais ça suffit pas, je peux évidemment passer derrière un micro. L'idée est ici de vous parler d'une expérience menée par les topophoniques, qui est un ensemble basé à Lausanne, un ensemble qui se considère comme un pôle de création et de recherche sonore, et qui est donc actif dans différentes expérimentations au cours desquelles la réflexion se concentre surtout sur le son dans l'environnement urbain. C'est un collectif qui s'est monté d'abord sur la programmation de concerts, sur l'idée du son dans un certain espace, de programmer des concerts qui ont un lien avec une situation géographique, et puis ensuite qui s'est développé dans un travail qu'on développe en ce moment avec le service des routes de la ville de Lausanne. L'expérience qu'on appelle comme ça simplement balade sonore, et quelque chose qui se développe progressivement au fil justement de ces expériences-là, qu'on théorise et qu'on ajuste un petit peu à chaque fois. Donc évidemment pour nous c'est aussi très intéressant ici de parler de ces expériences-là et puis d'avoir vos retours et puis d'avoir éventuellement des comparaisons par rapport à d'autres choses qui se font dans le même milieu, dans le même domaine, puisque c'est quelque chose qu'on expérimente très progressivement avec ce service des routes et conjointement avec le service de l'urbanisme aussi à Lausanne. Donc voilà, ça c'est pour la contextualisation des topophoniques, un ensemble qui regroupe donc des chercheurs, anthropologues, des musiciens, compositeurs, des urbanistes aussi, des urbanistes qu'on a très vite intégrés dans nos démarches parce que justement cette question du son dans l'espace urbain était pour nous assez intéressante, venant de musiciens justement, parce que c'est quelque chose qu'on aime bien utiliser dans nos pratiques sonores, c'est-à-dire de composition, de recherche de son. Le son qui nous entoure est quelque chose d'omniprésent et puis auquel on est très sensible. Et donc voilà, de peut-être essayer de faire un passage aussi avec un service qui est en lien directement avec la population, avec des professionnels de l'urbanisme ou de c'est des milieux qu'on aime bien aborder, toucher pour voir s'il y a des moyens de travailler ensemble, même si on a a priori dans des pôles assez opposés. Donc ces balades sonores qu'on a développées avec le service des routes, il y avait plusieurs objectifs, mais notamment de développer des critères qualitatifs pour appréhender la question du son en ville. La question du son en ville est évidemment un problème qui est largement traité aujourd'hui, qui est largement considéré dans la question du bien-être des riverains et des habitants et des usagers de l'espace public. C'est toujours très important pour le service de l'urbanisme, de comprendre exactement les enjeux en lien avec le son, comment est-ce qu'on peut améliorer la vie des usagers. C'est une question qui est très sensible. Et pour ça, il existe déjà beaucoup de paramètres, il existe déjà beaucoup de manières de réfléchir sur la base de critères plutôt quantitatifs, c'est-à-dire qu'évidemment on peut mesurer les décibels, on peut mesurer à différents endroits dans la hauteur d'un immeuble, à l'intérieur d'un appartement, d'une salle de bain, ensuite en ville, sur un trottoir, à la terrasse d'un café, etc. On peut mesurer, avoir des indications très, très concrètes en termes de bien-être avec le son. Et par contre, il manque pas mal d'arguments et de critères qualitatifs. Par là, on entend essentiellement la manière de percevoir le son des usagers de l'espace public. Et ces critères-là, donc comment est-ce que les gens vivent avec leur son concrètement, et comment est-ce que les gens qui ne sont pas qualifiés pour en parler, les gens qui les usagers, donc principaux comme ça de la ville, vivent avec ce son, c'est quelque chose qui est assez peu utilisé. En tout cas, pour ça, le service de l'urbanisme n'a pas beaucoup de références. Ces balades sonores ont donc été développées pour avoir de nouvelles ressources pour le service de l'urbanisme, pour améliorer cet espace public. Et donc, on a développé conjointement avec eux ces balades sonores qui invitent à la fois des professionnels, les personnes, les riverains de l'espace qu'on va explorer, et puis ensuite qui se déroulent avec un retour, où on se retrouve un petit peu comme ici, à discuter de la balade qu'on vient de faire, de manière à pouvoir éventuellement imaginer des solutions, peut-être même prototyper des transformations de l'espace, etc. Mais en tout cas, avoir un retour des gens qui vivent dans l'espace. Donc ces balades, elles sont construites, elles empruntent en tout cas plusieurs techniques, notamment la technique évidemment du field recording, que tout le monde connaisse, l'enregistrement de terrain, l'enregistrement dans un milieu qui n'est pas forcément maîtrisé acoustiquement. Ça emprunte aussi à l'urbanisme tactique, qui est donc l'idée d'organiser des manifestations culturelles, artistiques, avec la population. C'est des manifestations participatives où l'idée est que de manière temporaire, on modifie l'espace public pour y apporter quelque chose, pour y apporter un autre regard, ou bien pour y apporter carrément une modification de la circulation, de la diffusion du son. C'est tout évidemment en incluant les personnes du lieu, on essaie de transformer l'espace pour voir s'il y a faire des expériences en fait. Faire des expériences et ensuite avoir des retours en appelant des professionnels pour voir si ces manifestations spontanées peuvent générer quelque chose. Ces balades sonores, elles sont aussi construites sur l'idée qu'on peut, par exemple, réfléchir et avoir des idées sur le moment, en situation d'écoute, en situation de travail avec le son. Donc c'est pour ça qu'on invite des gens à découvrir de manière assez spontanément leur environnement sonore et de immédiatement réagir à ça. C'est-à-dire vraiment en situation d'écoute que l'oreille génère peut-être des idées et puis des réactions. Et puis enfin, l'idée de la balade sonore, c'est la balade sonore telle que l'entend Max Neuhaus, un artiste qui est décédé maintenant, qui a été très actif jusque dans les années 2000, et qui a conçu cette idée de la balade sonore qui est donc de placer l'écoute au centre, et puis de considérer qu'on écoute la cohabitation des sons dans l'espace avant d'écouter leur source. Et c'est peut-être quelque chose d'assez important, en tout cas dans notre travail, de considérer que le son qu'on écoute, Il est pas forcément généré par des voitures ou des sources qui peuvent être considérées a priori comme dérangeantes, mais qui sont un son qui est là, qui est d'abord à écouter, puisqu'il est là, on peut rien y faire. On peut l'imaginer, on peut l'écouter attentivement, on peut le considérer comme un environnement qui est évidemment sur lequel on n'a pas forcément d'influence, mais en tout cas on écoute ça d'abord comme une simple cohabitation des sons. On peut l'écouter même comme une composition aléatoire, on peut l'écouter de différentes manières, mais voilà, les balades sonores sont construites un petit peu sur cette idée là Encore juste rajouter le fait que oui, évidemment, ces balades sonores, elles sont accompagnées avec un certain dispositif. Il y a des guides parmi les guides des topophoniques qui guident les gens selon un tracé précis dans un territoire urbain. On passe par des endroits un petit peu stratégiques où on écoute, par exemple, en comparant des lieux. Et puis, surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on invite les gens à, par moment, se concentrer vraiment très, très, très concrètement sur l'écoute, c'est-à-dire à, par exemple, fermer les yeux, à diriger les micros d'une certaine manière. Et puis, donc ces micros passent par l'enregistreur, arrivent dans les casques, et on obtient, d'une certaine manière, une sorte de réalité augmentée, où le son apparaît d'une autre manière dans les oreilles, même si c'est le son dont les gens ont l'habitude. C'est assez important de préciser qu'évidemment les gens se baladent avec ce dispositif dans leur milieu, donc c'est des sons qu'ils connaissent bien, mais ils leur découvrent d'une autre manière via l'enregistreur. Les sons sont enregistrés ou pas, ça c'est pas forcément important, mais évidemment que régulièrement ils sont enregistrés, mais ce qui est important, c'est évidemment le passage des micros jusqu'au casque, ce qui fait que la réalité peut être en tout cas transformée par la manière de l'accepter, de l'écouter. C'est pour ça qu'on met le sous-titre l'écoute attentive, parce que c'est une sorte de sous-titre un peu général. Mais en plusieurs étapes, il est toujours possible de faire un petit travail sur son écoute qui est assez intéressant. Par exemple, on commence par dire d'imaginer que cette écoute se fait en deux dimensions, un petit peu comme si on regarde un paysage puis qu'on imagine que tout d'un coup c'est une peinture, on perd la profondeur. De passer par cette étape-là avec les oreilles, ça permet justement de rétablir une sorte d'égalité ou d'annuler en tout cas les hiérarchies entre les sons qui sont toujours très reliés à leur source. Ça permet de les détacher de leur source, d'enlever cette hiérarchie et puis d'en faire une sorte de panorama sonore. Ça, c'est une première étape. Et ensuite, évidemment, qu'en écoutant de cette manière-là, on peut réinterpréter les sons qu'on entend. On peut y voir autre chose, et puis surtout pour les personnes qui écoutent ça dans leur propre milieu, on peut imaginer, on peut redécouvrir une autre nature des sons, et découvrir à la limite des nouveaux sons, découvrir des sons qu'on n'avait pas entendus avant. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est de qualifier ces sons. C'est-à-dire que les gens sont, après écoute, sont capables de peut-être définir un son comme étant rassurant, comme un son comme étant menaçant. Et ça, c'est des indications qui sont intéressantes et qui sont importantes pour notre collaboration avec le service des routes, puisque c'est évidemment ça qu'on attend de la population locale, c'est d'avoir un commentaire sur l'espace sonore qui les entoure. À partir de ça, on peut identifier évidemment les différents sons qui sont dans un espace précis, et puis on peut travailler dessus. Ce qui est amusant à ce niveau-là, c'est que, évidemment, les gens arrivent avec une idée, en général, assez préconçue de leur environnement sonore, et puis il y a toujours une petite résistance qui se passe. C'est-à-dire qu'on est toujours très conscient de notre environnement sonore, sans forcément l'être, et donc avant même le début de la promenade, avant même de placer le casque sur les oreilles, il y a déjà énormément de commentaires. Des commentaires attendus, souvent, et puis en même temps, des commentaires qui demandent qu'à être peut-être soit déconstruits, soit utilisés pour aller plus loin. La souffleuse de feuilles, le passage du tram, etc., c'est évidemment des rengaines qui montrent des côtés qui sont désagréables en ville, et puis le côté rassurant des enfants qui jouent sur la place de jeu à côté, le côté rassurant des pas dans les graviers. C'est toutes des choses qui sont évidemment très liés à l'environnement urbain et aussi à la manière d'appréhender le son. Donc on fait ces promenades avec cette pratique de l'écoute. Ça se déroule sur environ une petite heure. Et puis ensuite, on se retrouve tous dans un espace où les gens réagissent au son qu'on a entendu, à quelques questions qu'on leur pose. Et puis imaginent des dispositifs temporaires ou permanents, imaginent des stratégies pour améliorer et pour, en tout cas dans un premier temps, donner des conseils au service des routes qui est parfois un peu démuni par rapport à cette transformation de l'espace urbain. Pardon ? Oui, pardon. Voilà. Ouais, je parle un peu trop. On a développé ici, si jamais vous pouvez le consulter évidemment, un guide du guide sonore. C'est-à-dire que c'est les questions qu'on se pose en tant que nous, membres des topophoniques, pour mener les gens. Et puis c'est le guide qui nous permet d'aiguiller les gens dans leur écoute et qui nous permet de les accompagner pendant une heure et demie entre recevoir les gens avec leurs idées préconçues sur le son qui les entoure et puis ensuite ressortir avec peut-être des idées, des suggestions et en tout cas un partage qui ouvre la manière d'écouter l'espace urbain. Voilà le projet, la manière dont ça se déroule en quelques mots. J'avais des petits sons à écouter, mais en fait c'est des sons captés par justement les participants à ces balades sonores. Donc en fait c'est des sons assez habituels. Ils ont a priori rien de très spécial, mais c'est ces sons après qu'on peut réécouter pendant les discussions et sur lesquels on peut argumenter aussi avec le service des routes. Voilà, si vous avez des questions. Je peux vous en faire écouter des tout petits qui sont. Ah bah oui. Allez. Sur un petit promontoire à environ 10 mètres au-dessus d'une route, un point de départ d'une balade, justement. L'acoustique qu'on a de cet endroit-là, qui est évidemment très différent selon la directionnalité des micros, qui représente un petit peu cet espace-là, une route assez court. Pour ceux qui connaissent Lausanne, à l'avenue des Chalands, là où passe le LEB, un tram donc considéré comme extrêmement bruyant et une avenue même considérée comme extrêmement, extrêmement sonore et désagréable à vivre. Donc là, le son n'était peut-être pas très très fort, mais on arrive dedans quand même à se rendre compte de ce que sont les nuisances sonores. Merci. Moi, je vais parler au micro parce que j'aime bien ma tête. Est-ce qu'il y a des questions à chaud comme ça? Oui, tout de suite. Vas-y. Moi, j'ai juste une question sur comment ça se passe, Benoît. C'est-à-dire comment les gens reçoivent ça? Parce que pour aller vous êtes donc engagé par la ville. C'est, donc, vous arrivez en tant que représentant de la ville, j'imagine, plus ou moins. On est présenté comme collaborateur. Et je me demandais, parce qu'il y a toute une pédagogie de l'écoute, que je trouve super, hein, ça développe aussi qu'est-ce que, enfin, l'oreille, le son, etc. Mais dans un certain sens, ça, enfin, il pourrait y avoir deux réactions contraires. Quoi. À la fois, ça pourrait être une démarche d'acceptation des nuisances sonores, parce que plus on apprend à connaître, plus quelque part on se rassure des sons qui sont autour de nous. Ou est-ce qu'au contraire, c'est utilisé comme... par les citoyens et les citoyennes, comme on va pouvoir faire passer enfin nos remarques sur les décibels, je dors plus, enfin, je simplifie, hein, mais... Oui, mais c'est vrai que je pense qu'on est présent là comme vecteur, en fait, pour apporter une autre manière d'écouter, en fait. C'est ça notre but, nous, en tant que groupe, de proposer une autre manière d'écouter, et puis de peut-être soulever d'autres questions, en fait. Plutôt que justement précisément la manière dont les gens arrivent avec la réaction que le son de la ville est désagréable. Et, donc de proposer une autre manière d'écouter. En fait, c'est quasiment que ça qu'on fait. Ce qui fait qu'après, on peut suggérer peut-être d'autres idées, d'autres manières de réfléchir à ce son. Vous avez réfléchi à la question du rôle. Enfin, je vois bien que ça a un rôle assez neutre, au fond, c'est de dire, bon ben... Ouais, c'est un rôle actif sur la technique d'écoute, quoi. Ça donne lieu justement après à des discussions toujours quand même en lien avec le sujet qui est concerné, quoi, du son en ville. Mais il y a quand même vraiment ce processus où en fait à la fin les gens ont des surprises, ont découvert des choses, et ce qui fait qu'ils parlent de leur environnement d'une autre manière. Puis en fait, ben voilà, nous on permet. Enfin, j'ai l'impression qu'on essaie de, en tout cas, rendre ça possible. Je voulais savoir qu'en fait, les balades, elles se font en groupe. Et est-ce que les personnes qui sont là, vous arrivez à capter à peu près tous les âges, hommes, femmes, et est-ce que c'est une expérience qui est renouvelée à chaque fois? Parce que c'est vrai que sur ces questions du rapport à la nuisance, déjà. On sait que quand on vit à côté d'un lieu bruyant, on a des propres stratégies, en fait, pour vivre dans cet environnement, ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui vivrait dans un autre quartier. Il y a tout ce... Et le fait de refaire l'expérience plusieurs fois, ça évidemment, c'est ce que l'expérience d'un apprentissage de l'écoute, mais aussi une très forte capacité d'adaptation qu'on a à supporter ces sons de trafic, notamment. Et je voulais savoir... En fait, on fait toujours en groupe. C'est des petits groupes qui essayent de réunir évidemment panel de personnes comme ça représentatifs, ce qui est toujours assez compliqué évidemment, mais on fait par quartier assez précis. Par exemple, à Lausanne, il y a le quartier de la Cité, le quartier de l'avenue des Chalands justement, le quartier. Après, il y a des quartiers qui sont un peu indéfinis, mais il y a une balade qui se prévoit sur un axe un peu haut-bas, c'est-à-dire vertical. Lausanne est pas mal en pente comme ça, puis il y a pas mal de ponts. Donc il y a une sorte de verticalité qui est assez intéressante à explorer, surtout du point de vue du son, évidemment. Et c'est des zones comme ça définies. Et puis, concrètement, par rapport à la résistance au son, des personnes, il y a en fait pour l'instant ce qu'on a rencontré surtout, c'est soit une exaspération extrême et donc une sorte d'attitude un peu démunie par rapport à ça, et puis donc un côté très engagé dans cette balade sonore pour avec beaucoup d'espoir placé là-dedans, et puis l'autre réaction qui vient en tout cas souvent après la balade sonore de se dire qu'en fait cette ville est quand même extrêmement silencieuse. Puisque dans les questions qu'on se pose, c'est notamment pendant qu'on marche, c'est est-ce qu'on s'entend marcher, est-ce qu'on s'entend parler. C'est les premières questions peut-être qu'on suggère aux gens de se poser en écoutant au casque. Et puis en fait, il n'y a pas un quartier où on ne s'entend pas, il n'y a pas un carrefour où on ne s'entend pas parler ni marcher. Donc ça replace aussi un tout petit peu les choses dans une certaine perspective. En fait, c'est vrai qu'on est, on est dans un environnement qui est fondamentalement très silencieux par rapport à la réputation d'un milieu urbain. Évidemment, ça n'empêche pas le fait qu'il y a des endroits qui soient évidemment largement soumis aux travaux, notamment en ce moment, et donc très agressés par le milieu. Mais ça, c'est finalement un autre côté où les gens sont évidemment très agressifs par rapport à ça, pour de bonnes raisons. Mais tout le service des travaux, notamment, travaille énormément là-dessus. Il y a plein d'endroits en ville où il y a des murs anti-bruit qui sont placés pour entourer les travaux. Et ça, ils travaillent pas mal. Oui, c'est bien, en fait. C'est intéressant de travailler par quartier, justement, parce qu'il faut plus grande homogénéité. Oui. Ouais. Et alors, la partie verbalisation, appréciation de ce qui est rassurant, parce que là, on a encore une autre étape, de qualifier, en fait, la qualité d'un environnement sonore. Est-ce que vous êtes arrivé à avoir des points comme ça où les gens se retrouvent, ou c'est quelque chose qui va dans tous les sens? Parce que quand on voit ce qui se fait en sciences dures, par exemple, les théoriciens de la perception, ils ont quand même des grilles assez définies, voilà, de ce que c'est un environnement sonore plus ou moins animé, qui qualifie quand même assez bien la perception. Là, de dire qu'on se sent bien dans un environnement, c'est encore autre chose. Hein. Et je me demandais si ces catégories-là de l'émotion, elles étaient fortes ou pas dans l'expérience que vous menez, et puis si c'était quelque chose qu'on pourrait aller modéliser comme le font les acousticiens de la perception pour le qualifier d'émotionnel en partant du savoir des gens. Ah, et donc modéliser la perception des affects des gens. Est-ce que ce qui est rassurant ou ce qui fait peur, c'est... Il y a plein d'autres émotions possibles. Ah oui, bien sûr. Est-ce que vous prenez tout ou c'est juste la question du bien-être? Alors oui, nous on prend tout, on le note et puis on le restitue d'une certaine manière. Donc, souvent on a vraiment ce rôle de passage comme ça où on essaie de générer des retours, des commentaires, puis sur cette perception. Et puis, les retours sont assez. Moi, je pense à cette dernière marche qu'on a faite, justement, à l'avenue des Chalands, où les retours étaient d'autant plus forts qu'il y avait eu. On sortait d'une période pendant tout l'été où il y avait eu des installations sonores en lien avec Lausanne Jardin, qui est une manifestation qui a lieu tous les 5 ans, je crois, mais où il y a des dispositifs de jardins qui ponctuent toute la rue, et notamment certains qui ont aussi une installation sonore. Et donc il y avait une installation temporaire qui est quand même de 3 mois environ, qui se trouvait à proximité de certains habitants et qui ont donc pu immédiatement faire des comparaisons et puis avoir des réactions très claires par rapport à cette installation qui pourtant générait des sons a priori de nature, des sons qui étaient peut-être plutôt des sons agréables à entendre en ville. Et c'est exactement l'inverse qui s'est produit, parce que justement c'était pas adapté, c'était pas naturel, on savait pas d'où ça venait, et puis par un moment il y avait des sons de nature qui faisaient plus penser à un enfant qui pleurait, donc forcément c'était très très stressant. Oui, il y a aussi ces réactions de gens qui remarquent en fait que ils habitent dans un immeuble sur la rue, et puis à l'arrière il y a un petit chemin qui passe, et en fait ils n'avaient jamais remarqué à quel point entendre les bruits des pas sur le petit chemin à l'arrière délocalisait complètement leur imaginaire. Et donc la comparaison entre les deux devenait complètement évidente, et puis était intéressante à noter. Si je peux me permettre, j'ai compris comment est votre démarche. Vous enregistrez des sons de la ville, de ce quartier, et vous mettez ce son dans plusieurs. Non, non. Quartier, ou quoi? Non, en fait, on enregistre, on fait d'abord des reconnaissances de terrain où on enregistre des endroits et puis en collaboration avec le service des routes, après, on voit ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant de faire, en réécoutant ces enregistrements, puis on développe les trajets comme ça. Ensuite, pendant la balade, on enregistre aussi, simplement parce qu'à ce moment-là, on peut enregistrer aussi les commentaires des gens, ça, ce qui est assez important. Mais sinon, pour les gens pendant la promenade, ce qui est important, c'est juste le passage par le micro et le casque. Donc c'est ça qui révèle, qui leur permet d'écouter l'environnement différemment. Mais du coup, pendant la promenade elle-même, l'enregistrement n'intervient pas plus que ça. Donc. Par contre, l'enregistreur est très important. Une dernière question, peut-être ? Ouais, parce que moi, j'ai justement une dernière question. Vas-y. Juste un truc, c'est pour compléter ça. Enfin, sur le site de la ville de Lausanne, il existe une carte qui s'appelle le cadastre du bruit, qui permet d'avoir une idée complètement générale du bruit à Lausanne. Il y a des artères complètement rouges. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres villes, mais j'ai déjà trouvé ça assez intéressant. Ouais. Non, c'est vrai. Oui, ma question c'était comment ensuite ces enregistrements sont repassés au service de la ville, au service des routes. Et puis, j'avais pas l'impression qu'il y avait. Ces remarques et ces enregistrements sont considérés, mais après, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait avec ça ? Donc, à part évidemment le service des travaux, qui tout d'un coup vont dire bon, on met des murs anti-bruit, comment est-ce que c'est discuté ensuite au-delà de la balade, avec les autorités de la ville, je ne sais pas. Là, je crois qu'on est encore au stade de. On réunit des données. Et puis on les utilisera dès que possible, mais c'est un processus un peu long. Mais il y a, en tout cas, pendant toute cette année-là, la volonté de faire ces promenades, il y en a 5 ou 6 de prévues. Et d'avoir ces données pour ensuite peut-être les analyser un peu plus concrètement, parce que c'est une balade toute seule comme ça, peut-être qu'elle donne aussi assez peu d'indications sur. C'est forcément intéressant de pouvoir comparer quoi, les différentes écoutes. L'ultime dernière question. Question remarque, je me demandais si vous aviez connaissance et si vous vous référiez au travail de Pascal Renfou, donc architecte qui travaillait au travail de Franco Cresson à Grenoble et qui, quand il était à Lausanne, a fait une étude sur l'identité sonore des villes, et Lausanne était une de ces villes. Enfin, un peu cobaye comme ça. Et donc, il avait développé une méthodologie, mais ça date des années, ça date de, il y a 20 ans. Et donc, est-ce que c'est intéressant aussi de se référer à cette étude qui était quand même assez conséquente, avec une méthodologie, justement, vous avez parlé de modélisation. Eux, en fait, utilisaient des procédés de montage sonore un peu proche du cinéma, en fait, pour recréer des paysages sonores qui étaient censés venir illustrer ce que les gens avaient exprimé à propos de leur quartier. Et donc, c'était, il y avait comme ça différentes étapes. Et ce qui était intéressant, c'était au moment où ils rejouaient ces espèces de compositions, de paysages sonores aux mêmes personnes qui s'étaient d'abord exprimées, que là, ça a mené finalement la discussion, l'échange avec ses habitants à un autre niveau. Je D'accord. C'est un prochain projet. Bon, on peut discuter de ça au café, j'imagine. Merci beaucoup, merci pour cette riche présentation. Nous allons avoir une présentation de Andrea Bordoli, intitulée « From Soundscape to Sensing Landscape, images sonores entre anthropologie et art ». Je n'ai pas compris si ce sera en anglais ou en français. Ah, les deux, d'accord, très bien. Ça marche. Andrea, il a un bachelor en anthropologie et philosophie à l'université de Neuchâtel et un master en anthropologie visuelle à l'université de Manchester. Et là, maintenant, en ce moment, il est basé à Genève, il étudie à la Haute École d'Art et Design, la HEDE, développe des recherches personnelles à la croisée entre théorie anthropologique, cinéma documentaire et art visuel. Merci. Un appareil pour toi. Je vais essayer. Utiliser le micro, s'il vous plaît. Ok, je vais essayer. Le micro volant, donc ça fonctionne, Périne. Non, sinon, je me mets là. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Alors, moi aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous, c'est surtout un expériment qui a la forme d'une pièce audiovisuelle d'une dizaine de minutes, donc je vais être très bref. Je vais vous donner quelques éléments un peu pour vous repérer. Donc, l'idée sous-jacente est celle de travailler un peu en film sonore, et par là je veux dire en son ou en film où c'est le son qui porte l'image, qui la précède en quelque sorte, ou qu'en tout cas arrive à lui conférer un sens différent de ce qu'on voit. L'idée aussi est celle de questionner un territoire. C'est un peu une question qui traverse ma recherche, mais là en l'occurrence c'est un territoire assez précis, c'est le territoire du CERN. Donc c'est le centre européen pour la recherche nucléaire. C'est un territoire assez complexe dans la mesure où il y a différentes activités qui se juxtaposent, notamment les activités liées justement au CERN, mais aussi des activités agricoles et aussi des activités de l'aéroport de Genève qui se trouve juste à côté. Donc c'est un environnement sonore assez riche. Et dans cette pièce, j'avais plusieurs axes que je voulais explorer, que c'est autant deux axes de recherche que de questionnement esthétique ou sensoriel. Notamment, c'est à voir avec l'invisible et le visible. Et pour moi, se lie aussi un peu à la forme que j'ai voulu donner à mon travail, dans le sens où l'image est visible, elle est là. Et puis le son est invisible, dans la mesure où c'est beaucoup plus lié à l'imaginaire. Et voilà. Une autre chose que je voulais explorer par rapport à ça, c'est aussi la capacité du son d'évoquer justement des espaces et des architectures invisibles, des espèces de champs sonores, et cela en utilisant surtout le son non synchrone, donc de jouer un peu avec la relation entre ce qu'on voit et ce qu'on entend avec les yeux et les oreilles, pour arriver à ouvrir des espaces de réflexion ou des questionnements. Et donc, en gros, voilà la question de base est comment faire parler ce territoire, comment l'écouter, et voilà. C'est tout. Du coup, je vais lancer. Il y aura des moments un peu forts, peut-être, donc ne vous inquiétez pas. J'espère. d'un univers qu'on ne s'imagine pas forcément quand on parle du CERN. En effet, le CERN, c'est au milieu d'un champ, à côté d'un aéroport. Il y a énormément d'expériences qui se font là-bas, donc ça veut dire beaucoup d'énergie et donc beaucoup d'électricité qui va y arriver. Donc on voit un peu toutes ces... Enfin, on dirait que tu t'es baladé tout autour, c'est marrant parce que évidemment, tu as dit que je travaillais là-bas, j'allais en vélo, puis là, c'est tous des environnements que je voyais un peu tous les jours, parfois en les remarquant pas. C'est un joli travail. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de l'audience? Sinon, moi, je peux tout de suite... c'est par rapport au processus de... Bon, il y a un processus de création de l'image. Donc, enfin, je pense qu'il y a plusieurs processus dans tout ce travail. Il y a celui de la découverte du terrain, il y a celui de la prise d'image, en fait, du choix des environnements que tu aimerais situer, puis aussi de la prise sonore, qui parfois correspondait à l'image, mais parfois ne correspondait pas. Donc, peut-être commencer par... vu qu'on parle de son, d'anthropologie sonore, peut-être commencer par le son. Où est-ce que tu allais, par exemple, trouver ces différentes sonorités qui ressemblaient plus à... qui ne ressemblaient pas forcément à des avions ou à des lignes à haute tension, mais plutôt à des machines presque un peu... En fait, l'idée, c'était vraiment un peu de mélanger... Enfin, de la prise de son en direct, genre field recording assez standard. Par exemple, au début, la première image de 2 minutes, c'est que ça, c'est vraiment le son qu'il y avait à ce moment-là. Et puis, de mélanger, par contre, des sons que j'avais pris, même dans des bases de données du CERN, comme pour les particules, que je n'avais pas pris moi-même, donc, mais c'était des sons qu'on peut trouver par ici et par là. L'idée, c'était vraiment d'essayer de créer cet univers à partir de ces deux genres de matériaux. Donc les matériaux que j'ai pu recueillir moi-même en me baladant là-bas, en écoutant ce qui se passait, et puis les matériaux que j'ai jamais pu écouter en vrai, mais que j'ai pu trouver sur les bases de données. Il y a pas mal de gens au CERN aussi qui s'intéressent au son. Je pense que toi aussi tu connais, peut-être même mieux que moi. Mais il y a pas mal de sites aussi où... Il y a des gens qui s'amusent à jouer avec les sons des particules pour créer un peu des compositions, des sonifications, des choses comme ça. Et c'est là que j'ai trouvé ces sons, justement. Et donc, à niveau du méthode, j'ai essayé vraiment de mêler ces deux choses avec une partie où je me suis vraiment baladé beaucoup là-bas pour dénicher un peu tous ces endroits. Toujours, des fois avec la caméra, des fois avec le son, des fois avec les deux. Ça dépendait un peu. Après, c'est un peu en début de terrain pour moi, c'est un peu, comme je vous disais, c'est un peu un expériment. J'y étais peut-être 2 ou 3 fois, donc j'étais assez heureux de pouvoir partager ça, de voir un peu qu'est-ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est un peu ces deux choses. Ouais. J'ai plein de questions là. Première main levée, j'ai vu là. Du coup, merci. Excusez-moi, vous pouvez faire circuler un micro. Bon, c'était merci pour ta présentation, enfin, l'installation sonore. Le premier sentiment que j'ai eu par rapport à tes travaux, c'est déjà cette image fixe et le son qui bouge autour. Donc ça, au début, je pensais que c'était vraiment une photo, et en fait, en gros, au fur et à mesure que c'est qu'une photo, donc ça, je trouvais ça c'est intéressant. Et après, c'est vrai que j'ai trouvé que dans ton travail, tu avais essayé de prendre un spectre assez large, en fait, côté un peu populaire avec les derniers sons et les images de la fin avec le village peut-être de personnes plus migratoires. Et finalement, ces particules aussi qui migrent dans le CERN, enfin, je ne sais pas s'il y avait des liens, en tout cas, moi je trouve ça assez poétique dans la manière de se dire on a un côté hyper populaire, on a nos avions, les gens sont en voyage, on a cette électricité. Enfin, il y a une notion de flux qui est très importante en fait dans ce rapport, et en fait, toute l'approche qu'on a aussi, elle est assez statique et assez posée. Et c'est cette adéquation entre rapidité, flux et finalement éléments posés. Donc moi, je n'ai pas forcément de questions directement à te poser. Peut-être aussi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est ce travail de cadrage. Donc on a un plan assez générique au départ avec ces lignes de tension et puis le champ de patate avec cette perspective. Et finalement, on va rentrer dans le champ de patate avec peut-être ce bruit de la vache qui vibre peut-être aussi. Donc, aussi ce lien à la matière et aux atomes, parce qu'on sait qu'un synchrotron, c'est une accélération d'atomes et peut-être un bout de patate quelque part qui est accéléré. Donc, voilà, je sais, c'est... Non, mais c'est bien. Je n'avais pas forcément pensé à la relation entre le mouvement des personnes et le mouvement de l'électricité ou des flux, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose là, il y a quelque chose là-dedans. Après, ce que je peux dire, c'est aussi que dans mon travail, j'aime bien qu'il y a un peu d'espace aussi pour ce genre de propositions de la part de qui regarde. Et c'est clair qu'il y a des choses que j'ai pensées, mais il y en a d'autres qui... Bah, celle-là, par exemple, je ne l'ai pas forcément pensée. Donc c'est... Bah, merci beaucoup pour le retour. Christine, tu avais une question là. Merci beaucoup. Je me demandais en fait, alors, par rapport, c'est des captations où finalement la perception locale elle n'est pas très prégnante, et j'imagine en fait que les gens qui travaillent dans, qui sont propriétaires de ces champs, ou les gens qui vivent près du CERN, ils développent une certaine connaissance de leur environnement, pas seulement sonore d'ailleurs, mais j'imagine que c'est un environnement sonore qui doit bouger selon les heures de la journée ou pas. Et est-ce que c'est des choses auxquelles vous êtes intéressés? Parce que moi, ça m'a fait penser, pourtant c'est assez différent, mais toutes les zones à risque, tous les gens qui vivent près des sites industriels, il y a des travaux qui sont faits près de Fukushima, de Tchernobyl, ouais. Les captations sonores. Et en fait, on se rend compte que les personnes qui vivent près de ces sites développent leur propre connaissance en fait de comment se comportent en fait c'est des éléments dont fait partie le son, donc ils commencent à mesurer, à voir comment... Il y a l'idée de contamination que je ressens très fortement dans ce travail, même si on n'est pas sur des zones dites à risque, mais il y a quand même je sais pas, moi c'était dur à écouter ces sons pour moi. Il y a quelque chose de très contaminant, voilà. Mm-hmm. Et je voulais savoir si ça avait du sens, est-ce que les gens parlent de ça, et quel type de connaissances ils ont de comment réagit cette grosse structure qu'est les sons au quotidien. C'est une bonne question, et c'est quelque chose que j'aimerais bien développer aussi au cas où je continuerai ce projet. C'est vraiment d'établir quelque chose d'un peu plus collaboratif pour voir un peu les gens justement qui habitent autour, qu'est-ce qu'ils retiennent de tout ça. Après, ce que je peux dire, c'est que en fait, le CERN, c'est vraiment hyper hyper fermé, et on n'entend rien en fait. Enfin, on n'entend rien, on entend les avions, c'est l'aéroport qui a vraiment la... Qui a au niveau du son, il y a un monopole des avions. Même quand on essaie de prendre du son, chaque 3 minutes, il y a un avion qui passe, c'est assez absurde. Mais le CERN, à l'extérieur, depuis l'extérieur, même si on habite à côté, j'y habitais aussi au moment, c'est pour ça que je me suis intéressé pour ce projet. J'habitais un peu dans les alentours, et puis j'allais me balader, et je voyais juste ces grosses infrastructures, mais il y avait des sons qu'on peut trouver, même ici, ce genre de son, un peu de moteur, mais très générique, et on s'imagine pas du tout ce qui se passe au-dessous. Donc à ce niveau-là, je pense pas que les gens se demandent vraiment, enfin, ou sont vraiment impactés par les sons du CERN en lui-même. Après, comme territoire, il y a quand même des sons, comme je disais, à l'aéroport, c'est incroyable, enfin, le bruit qu'il fait, et la fréquence aussi, c'est quelque chose de très très intense, quoi. Mais c'est vrai, c'est quelque chose que ce serait intéressant à développer sur le plus long terme, c'est justement d'impliquer un peu les gens qui habitent là-bas, et pour voir un peu comment ils reçoivent ça et comment ils réagissent, s'ils réagissent. Je ne sais pas si je peux compléter un peu la question, parce que ce CERN, il y a un peu les endroits où il y a les bureaux et tout, et puis il y a aussi des endroits où on peut rentrer vers ce grand tunnel qui fait 27 km de long entre la Suisse et la France. Et puis d'ailleurs, on a vu, il y a un plan où on voit les deux hommes qui travaillent dans le champ, et puis derrière, on voit, ça ressemble à une espèce de grande usine, c'est une des entrées pour descendre. Et j'ai entendu quand même qu'il y a pas, vu que l'urbain se développe un peu dans ces zones-là, il y a par exemple une entrée au niveau, c'est vers Saint-Genis-Pouilly, et il y a de plus en plus de villas individuelles qui se construisent là-bas, et ces villas qui se construisent autour commencent à se plaindre du bruit Mais en fait, comme tu dis, c'est pas des bruits. Bon, d'ailleurs, une particule ne fait pas le bruit. Ouais, ça aussi. Voilà. C'est vraiment c'est plutôt les bruits des transformateurs qui font ce gros 50 Hz, comme ça, qu'on entend, et c'est des bruits d'électricité. Et finalement, les gens sont plus incommodés par les bruits des voitures qui passent chaque jour, parce que c'est quand même 10 000 personnes qui travaillent dans ce site, et donc c'est vrai que les va-et-vient. Finalement, c'est des bruits qui sont très, très communs, en fait, au milieu urbain, en fait. C'est des va-et-vient, c'est un transformateur, c'est de l'électricité. Quoi. Mais c'est vrai que ce qui se passe à l'intérieur, là, il y a très peu de chances d'y aller. Ouais. Et c'est vrai que par rapport à la contamination, c'est vrai qu'il y a ce truc, contamination visuelle, contamination auditive, par rapport à, surtout à ces lignes de haute tension. Ouais. Et ça aussi, j'ai pu parler juste un petit peu avec un agriculteur. J'étais assez aussi, pas surpris, mais ça me touchait beaucoup la manière dont on peut cultiver notre terre, hein, sachant qu'au-dessous, il y a tout ça qui se passe. Il y avait toute une question presque science-fictionnelle. C'était quelque chose aussi que je voulais explorer un peu plus, mais je trouvais assez intéressant juxtaposition de choses justement entre le naturel et puis le artificiel, la science et puis la nature. Enfin, il y avait plein de choses assez intéressantes. Il y a une anthropologue qui s'appelle Sophie Huder qui a travaillé justement sur les sols à l'intérieur du CERN et aussi le savoir d'artificiel CERN, mais personne n'a travaillé sur le sang en fait. C'est vraiment formidable. Il y avait une question à Brigitte, ouais. Mais peut-être, ce qui m'intrigue, c'est d'une part le côté impénétrable du ce qui se passe dans le CERN. Enfin, je veux dire, ni les images, ni le son ne sont à même de nous donner une réelle compréhension de ce qui s'y passe. Donc, peut-être que le travail aussi permet de questionner un peu les limites de la représentation, enfin, que ce soit à travers l'image ou le son. À part peut-être évidemment ces images, je sais pas quoi, scientifiques, enfin, qui clairement proviennent, j'imagine, de ces expérimentations qui sont faites dans le CERN et qui, donc, on sent bien qu'elles ont un rapport, mais même en face de ces images-là, on est quand même totalement désarmé. Et puis aussi le côté un peu transnational du site, comme site de recherche scientifique, un laboratoire qui est presque un espèce de non-lieu dans le sens où. Il a un statut spécial qui transcende toutes les lois, en fait, que ce soit les questions de frontières entre les pays, de cadastre, enfin, c'est d'une certaine manière, c'est un peu inquiétant parce que ça lui donne un statut qui est un peu comparable à Guantanamo, par exemple. Donc, je ne sais pas si ça. C'est... Après, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que j'avais lu un article de journal. Par rapport à ça, par rapport au pouvoir aussi qu'ils peuvent avoir sur l'infrastructure publique, comme quoi, quand ils activaient le LHC, ils utilisaient peut-être le 2/3 de la production d'électricité du canton de Genève ou un truc comme ça, et je me suis dit, c'est quand même incroyable, quoi, de penser qu'ils peuvent faire ça, et puis, enfin, ils le font assez souvent. Après, c'est pas un jugement, mais c'est juste au niveau, voilà, de ce qu'ils peuvent mettre en avant et de ce qui se passe là-bas, c'est quand même... Et, voilà. Tu as eu accès à l'intérieur, c'est possible de visiter ou pas quoi. Oui, c'est possible de visiter, mais après, j'avais été parce qu'ils font des journées portes ouvertes aussi chaque année, mais après, pour accéder vraiment au lieu où il y a les choses les plus intéressantes qui se passent, je pense que c'est un travail de longue durée, une durée que j'avais pas, et que donc j'ai pas pu. Peut-être Daniel. Le plus simple, c'est de connaître quelqu'un. Ouais, je sais. Un peu comme souvent. Ouais. Qui nous fait visiter. Ouais. Mais à voir. Une dernière question. Peut-être par rapport au. En tant que cinéaste et anthropologue, je me demandais, est-ce que tu arrives. Enfin, comment est-ce que. On a déjà, dans les communications précédentes, il est apparu déjà qu'on peut avoir des difficultés en anthropologie à faire valoir le son comme image pour elle-même, pour eux-mêmes. Souvent, ils ont un statut d'illustration, d'accessoire, où ça doit être accompagné par le texte, l'écriture, qui sont beaucoup plus reconnus dans le domaine. Ouais. Et du coup, je me demandais, en tant qu'anthropologue et cinéaste, est-ce que tu arrives à faire migrer ton travail d'un monde à l'autre? Est-ce que, sans le modifier, est-ce que ton travail arrive à avoir le même statut, la même identité dans ce monde, ou est-ce que tu considères que ce ne sont pas deux mondes? C'est une très bonne question que je me pose souvent en ce moment, aussi parce que je suis assez au début de cette chose, cette espèce de... Enfin, j'ai fait mon master en 2017, donc ça fait 2 ans un peu que je construis cette pratique entre ces deux mondes, et j'ai pas vraiment de réponse pour l'instant. Enfin, j'ai pas encore. Enfin, disons que c'est une pratique que je construis et que je modifie pas vraiment selon le contexte, mais que des fois peut rencontrer des. Par exemple, quand je présente des choses comme ça dans des milieux un peu plus artistiques, peut-être c'est trop conceptuel, et des fois quand je présente des choses comme ça dans des contextes académiques, c'est trop peu conceptuel ou c'est trop artistique, même si ça peut, on peut rien dire, mais du coup je sais pas encore comment je vais arriver à... c'est un peu en travail en cours, quoi. Merci en tout cas pour merci beaucoup. L'invitation. Et on va faire une petite pause de 5 minutes avant de continuer. Non, ça a l'air de... Ça va alors. L'audience a l'air d'avoir envie de continuer. Avec la dernière présentation par Gilles Aubry. Faire un test son. Gilles Aubry, artiste sonore, musicien, chercheur, basé aujourd'hui à Berlin. Il a fait un doctorat au Graduate School of the Arts à Berne. Il va nous présenter un... Donc en fait, dans le programme, c'est autre chose. En cours de matinée, il a redirigé son envie de présentation pour une présentation en anglais qui va s'intituler Stone Sound versus White Orality. Il questionne un peu la malléabilité du son. L'écoute située qui pose un peu la question de la position de la personne qui écoute, surtout un travail sur l'art sonore. Voilà. Gilles. Merci pour l'introduction et l'invitation, et aussi au public. Première précision, le titre, donc Stone Sound, en un mot, versus White Orality, avec AU. Oralité, non pas l'oralité, mais l'oralité, c'est-à-dire en fait en gros la culture de l'écoute. C'est ça que j'ai thématisé aujourd'hui dans ma présentation. Donc je vais montrer 2 extraits d'une vidéo, un document assez brut qui est issu donc, de ma recherche en cours au Maroc sur les histoires du son et de l'écoute, notamment les. De savoir situer et local lié à ces aspects-là. Et puis je vais lire un texte qui commente cette vidéo qui est en fait tout simplement la documentation d'une expérimentation que j'ai menée avec un artiste marocain dans son village et qui est basée sur l'idée de faire sonner des pierres et des rochers en tapant dessus et donc d'une certaine manière de les sonder. Donc en anglais, sounding, un terme qui a cette double signification. as part of my current artistic research on sound and listening histories in Morocco, I had recently the opportunity to engage in a series of experiments in stone sounding with the artist Abdelgil Saouli, who I visited in his village of Moulay Bouchta in the north of Morocco. Sounding stones by beating them, like we did, is not a very common thing to do, even for sound artists like myself. It wasn't our goal to turn stones into some kind of music instruments, such as misophones, nor to create musical effects or rhythmical patterns. Sounding, as anthropologist Stefan Helmreich suggests, in the proper sense of measuring the depth of something, is appropriate for investigating things not yet known or whose boundaries may be obscured. By sounding stones through beating, Abdelgil and I engage therefore in a close sonic investigation of the stones, inquiring about their matter, hardness, weight, and inner structure, and as a way to ask them many questions in Abdelgil's own word. In doing so, we were able to explore the unclear limits of abstractions, such as stone, sound, matter, life, the human, the non-human, and their complex entanglements. Abdelgil repeatedly made comments on what we were hearing and on sound itself as a phenomenon. Sound is energy, he says, it's a weight too. Sound is the sounding weight of matter. When you rub one matter against another one, sound is the result of their confrontation. In Adelgi's words, sound appears as a byproduct of material encounters, retaining also the characteristics of the material objects from which it originates. Abdelgil's stone sound, in one word, therefore importantly comes as a category distinct from the sound of other materials, such as wood or concrete, and carries with itself the specific affect of stone. If tactility and affect predominated in Abdelgil's hearing, he occasionally also points to the possibility of sound analysis and physical abstraction. He knows that scientific methods exist that rely on technical measurement and analysis of sound. He transposes this methodology into his own embodied working method, where the body becomes a measurement tool and the ear an instrument for analysis. This method is of course useful for breaking stones and building walls, more than any scientific knowledge about sound itself. Describing the sound of stones in terms of physical waves, frequencies, amplitude, and resonance seemed indeed pointless in the case of our experiments. Instead, Abdelgil invited me to join him into a kind of syncretic acoustic practice in which the terms of acoustic science, geology, technology, embodied knowledge, and affect could be playfully renegotiated in favor of a meaningful cohabitation between people and stones. From the perspective of acoustemology proposed by Stephen Feld, sonic materiality is a transformed reverberation of emotional depths. Sound always becomes and embodies sentiment, he writes. To Abdelgil Saouli's ears, stone sound is the expression of gravity, I suggest, both in the sense of heavy force and of seriousness, as stones bring him stability, strength, balance, heat, protection, and breath. Sounding, cutting, playing, and other forms of interaction with stones are for him a way of telling a story, of speaking through stones as part of a local oral history of reciprocal domestication between people and stones in Moulay Bouchta. Thank you. position as a white European sound artist, I had to face contradictory feelings resulting from the double mediation of my auditory experience with the sound of stones. On one side, my microphone was telling me that stone sounds, like any other sounds, are just the audible manifestation of material vibrations, in this case, as a result of our beating. On the other side, I had sincere understanding for Abdelgil's affective history of relating to stones through sound. I found myself confronted with two different material sound concepts. One scientific, autonomous, supposedly universal sound concept, and another particularly situated one. While I was progressively starting to understand Abdelgil's stone sound concept as it emerged in our conversation, I couldn't directly access it through experiencing it by myself. This is perhaps where our experiment got interesting. Despite the fact that we were both hearing a sound when Abdelgil was beating the stones, it became clear that it wasn't the same sound to both of us. First, because he was doing the sounding while I was recording, and second, because the sounding meant something completely different to him. Our artistic experiment therefore highlighted differences in situatedness between us. When Abdelgil asked me, "Did you really find the sound of stone in the recording you just did?" I perhaps mistook it at first as a confirmation that we were both searching for the sound of stone, that is something existing on its own, which we could then study together. As it became clear, however, that Abdelgil already knew the sound of stones as stone sound, I came to understand that he was more probably asking if I had found my own sound of stone. As sound scholar Mary Thompson suggests, searching for sound in itself has a long history in the field of sound art and experimental music, perhaps best exemplified in the Cajun position on sound. As part of a particular European philosophical lineage, she notes, experimental music and sound art is understood to interrogate the affective, non-representational, and non-discursive dimensions of the sonic. As a result, she adds, materialist sound art has been credited with exposing the ontological specificities of sound itself. By framing sonic materiality as a phenomenon distinct from all preceding sociality, discourse, meaning, and power, materialist sound art hides its own historicity and situatedness as part of what she calls white orality. As the overall dimension of whiteness, she claims white orality is part of an oppressive process of racialization of the sensible that produces and orders spatial temporal relations and enhances and limits a body's affective capacities in relation to its surroundings. To think sonically becomes problematic, she continues, when sound is naturalized into an abstraction that can generate its own forms of thought as a result of the self-invisibilization of white orality. In his examination of the affordances of technological sound for black subjectivity, sound scholar Alexander Bigelai proposes a different approach to the sonic, in which he finds an instance of opacity in reference to Edouard Glissant. Opacity is not enclosure with an impenetrable autarky, he notes, but subsistence within an irreducible singularity. Thinking sonically, he continues, enables a mode of divining a world that sounds its multitude of opacities without drawing their singularities in the noise of transparency. The sonic opens up possibilities for thinking, hearing, seeing, and apprehending the subject in a number of different arenas, he writes, clarifying also that it is by no way preconscious or in strict opposition to the visual or the language. If white orality is perhaps characterized by its desire to disappear within the noise of transparency while still keeping its privileges, visualized black orality finds an important way of subsisting in sonic opacity. If race has never been a topic of discussion between Abdelgil Saouli and me, there is no doubt that our respective positions are differently marked in regard to the long colonial history of race and racialization in Morocco. Processes of exclusion from the white-defined realm of being were integral to the racial politics of the French protectorate between 1912 and 1956 and are perpetuated up to this day through technocratic regimes of governance, exclusive border regimes, and global capitalism. That Gilles' lived experience of non-whiteness certainly bears the traces of this exclusion, I suggest. As such, non-whiteness is part of the story told by him and other people in Moulay-Bouchta through sounding stones and listening. While theory is subjective, Abdelgil's stone sound is a concept that remains untransparent, opaque, and perhaps relatively unintelligible from my point of view, despite our conversations. What matters is that it allows him to create and subsist within it, in all the seriousness of his cohabitation with stones. Sounding stones, together with Abdelgil, was thus a simple but serious attempt in decolonial listening. While Abdelgil's stone sound remains opaque and somehow inaccessible to me, its mere possibility is already enough to challenge dominant discourses in both sound studies and ecology. It is now clear that the nature of sound is nothing natural, and always co-constituted by historically situated subjects, as is the nature of nature. If expressions such as the human and the non-human appear clearly problematic because they are too universal, then we will need more concepts such as stone sound in order to articulate differently the complex entanglements of subjectivities, bodies, abstractions, and agencies. Instead of a universal, we need a pluriversal, Carsten Schulz argues, that is rich with the deepening and coexistence of all particulars. For Walter Mignolo, this can be done through epistemic disobedience and border thinking. To Vigilai, thinking sonically offers an alternative for apprehending subjectivity by decentering the logos and meaning, while not entirely discarding them in order to define the world rather than defining it. To me, this sounds like a call to temporarily let go of our sovereign self in order to attend to our opaque self from within sonic practice. Merci. Pour les questions-réponses, on continue en français ou en anglais ? Non, en français. Merci. Je m'excuse pour l'anglais, c'est un peu de pratique. Merci. Mais ça veut pas trop. Merci pour ce texte, cette lecture très intéressante, qui pose aussi, qui pose plein de questions en fait, question de la position de l'anthropologue Colomb par exemple, ou bien celle aussi tout simplement de que veut dire un son pour qui, parce que en fait ça c'est pas qu'une perception physique d'une vibration de pression qu'on entend et qu'on va entendre la même chose, parce qu'en fait il y a toute une histoire derrière, toute une position, tout un subjectif personnel qui apparaît. Bon, j'ai plein d'exemples là-dessus. Je vois une première question. Peut-être le micro d'abord. Merci beaucoup. Alors évidemment de voir ces images qui tournaient aussi en même temps de votre présentation, ça m'a fait penser évidemment à des choses qui ont été travaillées par plusieurs ethnomusicologues, parce qu'en fait les pratiques sonores qui s'appuient sur les matériaux du naturel, voilà, les lithophones, les musiques qui sont faites en frappant l'eau, c'est des choses qui ont été assez bien ethnographiées. Et dans mon souvenir, il y avait notamment, pour voir si ça fait écho avec le travail de certains artistes, il y avait déjà la question de, pas forcément de l'histoire entre celui qui relie celui qui fait le son et celui qui l'observe, mais vraiment la connaissance que les gens ont de ces matériaux et de ce qu'ils y investissent. Donc par exemple, dans les musiques de lithophone, ce sont les pierres frappées exactement comme vous avez montré, il y a un très fort anthropomorphisme qui se passe. Donc les gens disent au Togo par exemple, c'est voilà, il y a le père, la mère, les enfants, il y a toute une socialisation en fait de l'environnement qui s'appelle. Est-ce que ça a du sens pour cet artiste aujourd'hui, par exemple? Et un autre aspect, c'est d'attribuer évidemment une agentivité à toute la dimension ontologique en fait, qui a l'air très présente. Et alors, ce qui est frappant dans vos images, c'est que on va frapper des pierres qui sont vraiment très hauts. Enfin, ça donne le vertige un peu. Il faut savoir maîtriser le vertige pour pouvoir monter là-haut. Enfin, j'imagine que c'est une expérience en soi d'aller frapper là-haut. Et ça, peut-être, ça pourrait être analysé. Enfin, dans d'autres cas, on sait en fait que qui est-ce qui habite dans ces lieux. C'est pas des humains, c'est d'autres entités. Et bon, on est au Maroc, je pense que c'est un peu partout dans le monde. Certaines entités, elles ne vivent pas, elles ne perçoivent pas de la même manière que nous. Et donc, d'utiliser, d'être dans des lieux où il n'y a, que des divinités qui peuvent vivre en haut des montagnes ou sous l'eau. Et donc, s'adresser à elles, c'est utiliser aussi des modes de production sonore. En ethnomusicologie, ça a été bien décrit, Stephen Fell, mais beaucoup d'autres. Et je me demandais. Si cette partie-là, l'ontologie en fait, du son et dans sa relation avec le monde de l'humain, est-ce que pourrait être, si vous avez d'autres éléments à présenter de ce côté-là. Merci pour le petit historique de l'anthropologie sonore des pierres. Enfin, effectivement, il y a des choses qu'on pourrait. Développer à différents niveaux. Déjà par rapport au lithophone, enfin, j'ai un peu précisé que ce n'était pas notre but. Donc, déjà, ça, évidemment, par manque de temps, je n'ai pas pu montrer la vidéo comme je la montre d'habitude. C'est-à-dire qu'au principe, je surimprime les textes qui sont une espèce de transcription des propos d'Abdel Gilles. Et c'est comme ça jusqu'à maintenant que j'ai montré cette vidéo. Mais je ne voulais pas que ça interfère trop avec ma propre lecture. Ensuite, bon, Abdel Gilles, ce n'est pas une pratique qui est habituelle pour lui de sonner les pierres. Par contre, il a construit sa maison en pierre, et donc, il a, comme il dit lui-même, il a grandi parmi les pierres, enfin, les pierres font partie de son environnement, mais c'était bel et bien une expérimentation entre nous deux pour essayer de se retrouver, enfin, quelque part, entre sa pratique d'artiste plutôt sculpteur, on va dire, et mon intérêt pour le son et l'écoute. Et en fait, ça a émergé. Lorsqu'une fois, il m'a dit, moi, je sais parler aux pierres depuis que je suis enfant, je vis parmi elles. Et puis, il avait tout comme ça un discours déjà assez, assez constitué par rapport aux pierres, mais aussi par rapport au son, d'une certaine manière. C'est ça qui m'intéressait dans ma propre recherche au Maroc. C'était ce discours qui venait comme ça se poser comme une espèce de théorie. Un peu alternative sur l'ontologie sonore, c'est-à-dire sur c'est quoi le son, et puis qui en même temps n'est pas directement, comment dire, se pose pas comme une espèce de perpétuation d'une ancienne tradition. Enfin, il y a une espèce de mélange, en fait, c'est pour ça que j'appelle ça un peu syncrétique, c'est-à-dire que se réfère autant bon, à certaines pratiques dans son village de casser des pierres. Et il ne les taille pas, justement, c'est plutôt cassé, en fait, toujours. Mais autant, il peut me parler de Karsten Nikolai ou d'un artiste sonore. Donc, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui a une espèce de discours aussi d'artiste, quand même. Et donc, ses propos sont soit à prendre un peu avec, en connaissance de cause de cette espèce de multiplicité, comme ça, de ses références, et aussi le fait qu'il est bel et bien inscrit dans la même temporalité que n'importe qui, que c'est aussi un sujet transnational comme moi, par exemple, je puisse l'être. Donc à ce niveau-là, il ne s'agissait pas non plus de fétichiser un peu le côté local, traditionnel de ce rapport aux pierres, mais plutôt d'inscrire ça justement dans le cadre de mon intérêt pour tout ce qui concerne les voies extra-humaines, c'est-à-dire les voies environnementales. Et là, dans ma recherche, j'ai pas mal d'autres exemples. D'ailleurs, ensemble, on a fait des captations binaurales avec des chèvres dans le même village. Donc là, c'était une toute autre approche. Mais enfin, il s'agissait à chaque fois d'essayer de questionner un peu cette relation entre les humains et les extra-humains, on pourrait dire. Et de ce point de vue-là aussi, je trouvais que ses propos étaient intéressants parce que il venait questionner des espèces de définitions en fait, par rapport au son. Et que, aussi parce que c'est quelqu'un avec qui c'est possible finalement d'entrer en discussion d'une certaine manière. Donc après, voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres. Et sur le site, le fait qu'on soit auteur, qu'on soit des lieux qui ont l'air un peu inaccessibles. Oui, ça c'est une remarque intéressante. Alors sa maison, en fait, qu'il s'est construit lui-même, est située juste en dessous de cette falaise, donc c'est vraiment presque son jardin, en fait. Et c'est aussi un lieu dans lequel il avait l'habitude de jouer comme gamin depuis toujours. Donc c'est vrai que la caméra GoPro, c'était aussi un peu une manière d'essayer de rendre à la première personne cette espèce d'agilité et puis de manière d'arpenter comme ça le terrain qu'il a pu avoir. Après, c'est un site particulièrement intéressant donc d'un point de vue karstique, géologique, parce que en fait, bon, voilà, ces gros rochers sur lesquels il tape, ils donnent comme à entendre une certaine diversité de sons qui peut être surprenante en fait, simplement vu leur aspect. Et donc, c'était aussi peut-être une raison pour laquelle on a choisi ce site en particulier. En fait. Avec cette idée d'aller vers quelque chose, si le travail se développe, où on peut se rattacher d'une autre manière à ces questions humain-non-humain à travers l'idée de sounding erosion, c'est-à-dire en fait essayer de faire sonner le travail de l'érosion qui viendrait réinscrire un peu cette pratique, ou en tout cas le son des pierres, dans un aspect plutôt lié au climat, au changement des précipitations, et puis lié au relief un peu, à la météo sur place. Il y a une question au fond, là. Oui, je trouvais très intéressant comment vous développiez justement vos perceptions différenciées. Mais en même temps, l'effet que ça m'a fait aussi comme spectatrice, c'est quand même l'aspect, la place du corps au niveau de la perception. Voilà, moi j'avais presque l'impression de ressentir aussi physiquement ces vibrations que vous évoquiez, ou en tout cas des distinctions dans les sons, voilà. Et du coup, je me demandais si vous aviez discuté ensemble, lui, lorsqu'il fait ça, j'imagine qu'il a aussi des perceptions sensorielles, corporelles, vous aussi, et je me demandais si vous en aviez discuté ensemble. Oui, bon, en tout cas, il parle, oui, quand même beaucoup de lui-même, de son propre corps, à travers son discours sur sa relation aux pierres en général. Alors, on a fait différents types d'expérimentations et puis qui ont donné comme ça des résultats entre guillemets différents. Et quelque part, oui, c'est la question de son corps. Mais alors, on pourrait dire aussi, enfin, peut-être que c'est intéressant aussi cet exemple-là, de mettre ça en rapport avec la question de la masculinité. J'ai essayé d'introduire la question un peu de la positionnalité dans les questions de son et d'écoute, bon, notamment à travers la question de la racialisation, en fait. Mais la question du genre, évidemment, est aussi certainement pertinente dans ce cas. Et dans son discours, autant que dans sa pratique, il y a quelque chose d'assez assez fortement masculin, enfin, autant dans ses propos que dans peut-être sa pratique. Et donc, je pense que ça pourrait être une dimension. Et puis, le ressenti au niveau du corps. Alors, quand je dis masculin, c'est aussi parce qu'il insiste beaucoup sur la dureté, en fait, et de la pierre, et du travail avec la pierre, parce qu'il a quand même dû casser des pierres, en fait, pour construire sa maison, et quelque chose dont il est assez fier. Et puis, il aime bien raconter, en fait, comment ça se passe, et puis que le marteau est très lourd, et que... il y a toute une espèce de dialogue avec la pierre, en fait. Aussi, ce lien avec la ritualité, c'est quelque chose qui est présent dans la vidéo, dans sa version habituelle. C'est un lien, il dit quand on casse des pierres, c'est comme la prière, il faut être très concentré, sinon ça peut être dangereux. Ou quand on veut casser une pierre, c'est comme aiguiser un couteau avant l'abattage rituel. Enfin, il amène comme ça des analogies qui sont donc une espèce de dureté, tout ça. Et après, je ne sais pas ce qu'il y aurait certainement, oui, encore plus à dire sur le corps. D'ailleurs, en fait, c'est un peu tout le propos de mon travail en général au Maroc, c'est d'arriver à réintroduire cette notion de sound body, en fait, c'est-à-dire le corps qui sonne avec son environnement et qui n'est pas juste un sujet qui a les oreilles, mais qui est en fait un corps matériel. Et ça, c'est présent dans différents cas d'études qui font partie de ma recherche, et évidemment aussi dans le cas d'aspects alors, eux, plutôt liés à la question de genre féminin. Quoi. C'est la matérialité du corps de la femme et les approches que j'essaie de mettre en place en collaboration avec les artistes, il y a aussi beaucoup... c'est assez riche, quoi. Je crois qu'on a bien fait le tour, en tout cas. Je ne sais pas s'il y a encore une dernière question, une conclusion, une petite dernière remarque. Bon, bah, disons que la seule chose que je pourrais peut-être ajouter, c'est que bon, j'ai souhaité aussi présenter ce travail-là pour quelque part idéalement amener une réflexion aussi par rapport à ces questions, notamment de réalité blanche qui sont quand même peu thématisées. Et il ne s'agit pas juste de question de ok, c'est quoi la culture d'écoute de tel ou tel groupe de population, mais c'est quelque chose qui est fondamentalement à l'origine, en fait, en tout cas de l'art sonore, on va dire. Et donc, qui vient avec non seulement toute une série de conceptions sur c'est quoi le son et comment on peut travailler avec et qu'est-ce que ça permet, mais aussi une espèce de droit que notamment les artistes sonores occidentaux se sont arrogés de pouvoir parler du son indépendamment d'eux-mêmes, en fait, comme si c'était vraiment deux choses complètement séparées. Et ça, c'est. Enfin, quand on commence un peu à y réfléchir. Il me semble que ça a quand même une certaine portée et des conséquences. Et moi, je vais souvent à des conférences sur le son, c'est quand même encore une espèce de posture assez dominante de parler du son comme quelque chose d'autonome, du son en soi, en fait. Cette notion de son en soi me semble particulièrement problématique dans le sens où elle a une espèce de côté, un effet de naturalisation du son. Et donc ça, c'était une chose. Et l'autre chose, c'était quand même aussi une remarque qui me semblait nécessaire sur le manque un peu de présence de voix de femmes, en fait, dans ces deux panels, avec l'exception de la première présentatrice. Mais c'est quand même aussi... hallucinant d'une certaine manière. Alors je sais que c'est pas jamais. Enfin bref, il y a toujours des difficultés, mais c'est quand même aussi un problème. Quoi. Donc j'espère que pour les prochaines éditions, on arrivera à changer ça. Voilà, merci. Merci. Merci. On arrive gentiment à la fin. Je crois que coordinatrices ont peut-être préparé une petite conclusion. Moi, en tout cas, j'ai été très, très touché par les 6 présentations qu'on a eues aujourd'hui. Il y a une diversité très large et une ouverture d'esprit assez... Enfin, moi, en tout cas, m'a fait réfléchir à de nouveaux aspects, de beaux positionnements, justement. Et merci beaucoup. Je ne sais pas pour la suite, je ne sais pas si ça se fait, mais j'ai envie de faire une petite publicité, parce que il y a beaucoup de choses, beaucoup de présentations aujourd'hui qui m'ont fait penser au travail d'une personne que nous allons inviter justement au Cinéma Spoutnik le 15 décembre. C'est un compositeur ethnomusicologue canadien qui travaille en Allemagne, qui s'appelle Robin Minhard. Et il a fait beaucoup de choses. Il a fait des balades sonores en Allemagne, il a fait participer à une espèce de cartographie sonore de différents endroits en Allemagne. Il a fait un peu des voyages sonores, il a enregistré plein de... Il fait des installations, et puis ben, il viendra au Cinéma Spoutnik pour présenter deux de ses pièces sonores, voilà, le 15 décembre. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui me font penser à lui, et puis beaucoup de choses que lui il raconte aussi sur la nécessité, en fait, de l'écoute, d'écouter et de se poser la question de qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on a envie d'entendre aussi. Donc, voilà, c'est tout. Merci. Et sinon, je ne sais pas si vous avez des mots pour conclure. En tout cas, moi, j'ai eu énormément de plaisir à participer, entre guillemets, à ce panel. Alors, ça a passé très très vite. Ouais. Je pense que c'est peut-être le début de quelque chose. Je pense qu'il y a peut-être des rencontres qui se font aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, puisqu'on vous invite à continuer la rencontre tout à l'heure. Donc, on va se déplacer, l'idée de la rencontre étant interdisciplinaire, on va se déplacer dans un lieu non académique. On va se retrouver donc pour la suite du programme avec les deux dernières interventions. Donc, on va retrouver la thématique du corps avec une performance de Gaëlle Mandelier qui fera la première intervention ce soir à 21h au pneu. Vous avez un petit flyer qui se trouve dans l'espace ici. Gaëlle sera suivie de la projection d'un film qui a été réalisé par Stéphane Montavon et Gilles Leport. Et puis il y aura, comme aujourd'hui, il y aura l'intervention sera suivie d'une discussion publique. Et le tout sera présidé, animé, modéré par Daniel qui accepte donc ce rôle jusqu'à la fin de la nuit. Donc la soirée commence à 21h. On va vous faire un petit repas parce qu'on a quand même envie de vous accueillir un peu. Donc on vous invite à venir à 19h au pneu pour partager ensemble un repas et puis ensuite on continue la rencontre à 21h sur ce lieu. Donc si vous avez des questions pour vous y rendre, voilà, on est là. Et puis on aura d'autres occasions de se voir. Il y a un autre flyer qui circule ici dans l'espace. C'est une soirée qui aura lieu vendredi prochain à Lausanne à la Grange d'Origny. De nouveau un moment interdisciplinaire autour du son qui s'intitulera Bruit. À cette occasion, donc vous aurez l'occasion de rencontrer les organisateurs de cette soirée, de re-rencontrer Nicolas Garel et puis les topophoniques, donc Benoît et donc le collectif des topophoniques fera une intervention, notamment à cette occasion, il y aura d'autres interventions d'artistes et de chercheurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Périne, qu'on devrait dire dans des pratiques? Sinon, on est vraiment très reconnaissant envers les interventions, vos interventions, et donc je propose qu'on continue de sous forme un petit peu informelle. Juste passer pour l'étiquette. Oui, on va vous rembourser les frais pour les intervenants, on va vous rembourser les frais de voyage et de résidence, d'hôtel. Donc venez vers nous pour petits détails pratiques. Voilà. Donc à bientôt, à plus tard, à plus de suite. Et merci à vous. Ouais, alors moi j'ai donné en fait deux clés USB. Hein. Oui, ah oui, puis ah ça. Ouais, ça alors c'est pour ça c'est pour le hôtel et le transport. Ok, ça marche. Okay, pour le champ d'assez l'argent sur les clés. Les clés USB, je les prends aussi. Ouais. Et puis je transmets la facture, c'est très bien. Ouais. Ah bon? Moi, je te laisse. Là, je donne un petit. Merci. Cool, merci, c'était cool. On va s'abonner. oui, vous faites les armes. Non, non, le travail au CERN. Ah oui, vous avez la bombe. C'est super. C'est super. C'est deux endroits à côté, quoi. Il y a trop bien. Alors, voilà, merci. Donc, c'est du format. Ouais. Le format map. Je vais vous faire ça.